바로 기초시라 매주 와봐 지달한테 다 빨래 지모두 지지사 와봐 Trois fois canon CG, j'ai déjà prévu des bouches. Elle a réussi, j'ai craqué. Non, non, baby, c'est cool. Avec elle, je peux m'en aller. On double air, ciel étoilé. Personne n'est comme nous, personne n'est comme nous. C'est qu'on est bon. Personne peut t'aimer comme moi, c'est pas pareil. Jamais pareil yeah. Oh, tu peux pas m'abandonner. Je veux pas, je veux pas. Non, non, personne d'autre me connaît. Y'a que toi, y'a que toi. Si jamais ils veulent ma go, là c'est mort, je veux pas. Non, tu peux pas m'abandonner. Je veux pas, je veux pas. C'est marrant que tu l'as, mais tu le vois pas. Si t'as la tête à parler, dis-moi tout ce qui va pas, on va recommencer. J'aime pas quand ça coupe, moi je suis plutôt direct, je connais mon karaté. Elle me cherche depuis trop longtemps, on se capte de temps en temps. Mais j'ai le cœur de pirate, m'en veux pas, si parfois ça fait trop.